بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans le livre du mariage, le chapitre du mariage dans le livre Les Belles Perles de l'imam Shawkani. Allah lui fasse miséricorde. Alors ici, nous sommes sur Tahrimu al-Khitba à la khitbati akhi, l'interdiction de faire la demande de mariage sur la demande de son frère. Avant cela, nous avons parlé de quelques masa'il, quelques sujets concernant la demande de mariage concernant le bikra et puis al-sayyib, n'est-ce pas? Non. Donc, nous avons aussi parlé sur l'interdiction de faire la khitba directement à une femme qui est à la idda, dans la idda de divorce ou bien dans la idda de la mort du veuvage, la mort de son époux. Donc la idda concernant la mort de son époux, on a vu aussi cela. Voyez. Et à l'issue de cela, on a traité aussi un sujet qui est lorsque l'homme divorce la femme jusqu'à 3 fois. On appelle cela le talaq al-ba'i, le divorce définitif. Et comment cet homme-là peut ramener cette femme? Comme elle a dit, At-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi'isar. Le divorce dont il est permis de reprendre la femme est 2. Dans ces 2, il peut la retenir comme il peut la libérer définitivement. Voyez. Maintenant, le troisième, comme il dit dans Surat al-Baqarah, in talaqaha fala yahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrah. Tankiha zawjan ghayrah, jusqu'à ce qu'elle marie un autre époux. Alors ici, nous avons parlé d'un sujet qui est important, concernant le mariage, ce mariage qu'elle va faire, et après le divorce, l'homme, le premier homme qu'il avait épousé, alors ça devient permis pour lui d'épouser cette femme après ce mariage. Maintenant ici, là où il y a eu un ikhtilaf, d'autres disent que ce mariage, il faut obligatoirement que l'homme y consomme ce mariage. D'autres disent que le nikah ici, dans le sens apparent, c'est le mariage. Voyez. Donc, lorsqu'on a fini de traiter ce sujet, il y a un frère, Jazaoullahu Khairan, Allah lui récompense en bien, qui m'a apporté d'autres arguments concernant le fait de dire que il faut forcément que il y ait un rapport entre cet homme qui a marié la femme et cette dernière, afin que si celui-là divorce maintenant, ça soit autorisé pour cet homme-là de ramener son ancienne épouse. Voyez, à cela il m'a apporté un argument, et aussi j'ai été voir la parole de plusieurs savants. C'est une parole que j'ai vue pour soutenir la parole que le frère il a dit. Car dans le hadith, c'est le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui est rapporté par Al-Bukhari. Voyez, dans le hadith, elle dit, une femme est venue au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, « Kuntu inda Rifa'a al-Quradi » Elle dit, j'étais chez Rifa'a al-Quradi qui m'a divorcé. Voyez. Et je me suis marié après cela avec Abdurrahman ibn Zubayr. Mais elle a dit, wa innama ma'ahu mistu hodiyati sawd. Mais celui-là, il n'a pas grand chose. Il a peu. Ni peu de moins. Fatabassama Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Waqal, il a dit. Aturidina antarji'i ila Rifa'a. Veux-tu retourner chez Rifa'a? Elle dit. Oui. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là. Hatta tazouki usaylatahu wa yazouku usaylataki. Jusqu'à ce que tu goûtes sa usayla et que lui goûte aussi ta usayla. Mamana usayla aï. Al usayla ici c'est al jima, le rapport. Donc ce hadith est wadi. Et beaucoup de savants ont soutenu cela. Voyez. Voilà, hada, j'avais dit une parole. Ataraja, je reviens sur ma parole. Et je soutiens cette parole que le frère, il a apportée. Jazahullahu khairan. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Je dis maintenant, selon cette parole, c'est-à-dire là, qui m'est apparu que c'est ça qui est la parole correcte. Voyez. Et ce que j'avais dit, il m'est apparu que ce n'est pas la parole correcte. Ok. Donc je reviens sur cela. Je souligne, cela ne veut pas dire que si je revois demain que la parole correcte est dans l'autre, que je ne peux pas revenir. Voyez. Et c'est ce que Abu Moussa La Charie, il a dit, Il dit, Fala yamna annak. Il dit, que ne t'empêche pas. Une erreur que tu as commis, Allah tarja ila al-haq. De ne pas revenir à la vérité, même si c'est plusieurs fois. Daïman, lorsque tu suis une parole qui n'est pas correcte, après tu reviens, tu trouves une autre parole qui est plus correcte que cette parole, alors, anta ta'khudhuhu 'ala al-'aid wa ar-ra's. Tu prends cette parole et puis tu suis. Par exemple, si tu regardes dans les mazahib, tu verras que l'imam Ahmad à lui seul, il a plusieurs paroles, n'est-ce pas? Naam, qu'Allah nous préserve. Donc, قال المؤلف رحمه الله إذ دب وتحرم الخطبة في العدة هذا أولا on a vu cela. Il interdit de demander la femme en mariage lorsqu'elle a période de veuvage ou bien de divorce. OK. C'est interdit de demander une femme sur la demande de son frère. Ici, nous allons expliquer cela. Voyez, car certains pensent que c'est la demande seulement. Le fait qu'un frère demande, alors il est obligatoire de ne pas aussi demander. On va comprendre ici, inshallah. Ensemble, non? Non. Par exemple, la femme est mariée. Non. Son épouse est. Non. Le mariage n'est pas bâtil, mais cet homme-là ne peut pas toujours la récupérer. Jusqu'à ce que elle fasse un mariage qu'elle consomme. Non. Aïe. Barakallahu fikum. Alors ici, aïe wa tahrumu al-khitba. Al-khitba. Il est interdit de faire la demande sur la demande. Wa muraduhu anna khitbata al-mar'a muharramatun idha khatabaha muslim. Ce qui veut dire ici, la khitba d'une femme est interdite si un musulman l'a déjà demandé en mariage. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Wa la yakhtub ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatub » هذا حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. Il dit qu'il ne demande pas un mariage sur la demande de son frère jusqu'à ce que son frère marie ou délaisse. Dans une riwaya, إلا أن يأذن له, sauf si son frère lui autorise. متفق عليه. Une anima reconnue authentique. Alors ici, wa tahrimu dhalika laysa bi mujarradi an yatluba al muslim al mar'a yahrumu ala al akhar talabaha. Ici, l'interdiction de cela n'est pas le simple fait que le musulman demande la main d'une femme et directement c'est interdit pour un autre musulman. Ce n'est pas ce simple fait. OK? Bal بأن يصرح للأول بالقبول أن يصرح. On doit dire clairement au premier qu'on l'a accepté. C'est-à-dire si le premier a été accepté, hein? Fahimtum? Par exemple, si moi je vais demander en mariage une femme, c'est un exemple. Hein. Faut pas y avoir m'attaquer à la maison. OK? Ah oui, je me rappelle. Si je vais demander une femme en mariage, et que bon, j'ai tapé pour tout. Hein? Ou bien on m'a pas encore répondu. Et puis Soro, non, Soro. Alors, tu ne peux pas me faire ça. Et puis quelqu'un d'autre va demander un mariage. Alors, il n'est pas interdit à celui-là. Puisque moi, on ne m'a pas encore accepté. Ok? Et nous allons voir la preuve de cela, Inch'Allah. Non. Quand tu introduis le sujet, ils sont portables. La personne qui veut nous aider, non. Tu as trahi ton petit. Hadam Ibn Babel Muhammad. C'est-à-dire, il dit que si ton petit t'envoie pour aller demander sa femme en mariage. Toi, t'es un émissaire. Ou bien? Donc, et puis les parents maintenant vont mettre les yeux sur toi. Non. C'est pas interdit. Mais, il va vers le Mohamed, ça envoie beaucoup de divisions. À cause de cela, Arasou Surazam a interdit de demander sur la demande de son frère. Parce que si on acceptait son frère, et que lui, maintenant, il vient, il demande, alors c'est comme, en réalité, il est en train de créer un problème. T'as compris? Ça y est. Ou, soit on accepte le premier, clairement, ou tadullu alamat ala qawuli. Ou bien des signes montrent que ils l'ont accepté. ولم يأذن الأول لأحد بخطبتها. C'est-à-dire le premier n'a pas autorisé à quelqu'un de demander cette femme en mariage. Voilà tarakahu adalik, et lui aussi n'a pas laissé. وعلى النهي فيما لو كان الخاطب رجلا مسلما. Alors cette interdiction, c'est seulement si celui qui demande la main de cette dernière est un musulman. Ça va? Yann al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, qui ne demande pas sur la demande de son frère. فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي النَّهِي الْكَافِرِ. Le mécréant ne rentre pas dans cette interdiction. C'est-à-dire al-Yahoudi wa al-Nasrani, le juif ou le chrétien. إِذَا طَلَبَ مَرْأَةً يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً. Si les deux demandent une femme juive ou chrétienne en mariage, وَأَرَادَ الْمُسْلِمُ, mais un musulman veut يَتَزَوَّجَهَا, marier cette dernière, alors فَلَا يُقَالُ لَهُ, on ne lui dit pas لَا تَخْطُبْ ala khitbati yahoudi ou nasrani. Ne demande pas sur la demande du juif ou du chrétien. Pourquoi? Yannahu laysa akhallahu. Car ce n'est pas son frère. Ok, c'est compris? Laysa akhallahu, ce n'est pas son frère. Tayyib. Wa nahyu an khitbati ar-rajul ala khitbati akhihi al-muslim. L'interdiction de demander, du fait que l'homme demande sur la demande de son frère musulman, de Allah tahdouth, afin que n'arrive pas al-adawa, l'inimité, wal-bagda, ainsi que la haine, fi qulubil muslimin, dans le cœur du musulman, ba'dhum ala ba'd, les uns envers les autres. Wa hadha al-ma'na ghayru warid fil yahoudi. Et ce sens-là ne vient pas au sujet du juif. Et même à la base, On doit les détester à la base. Donc tu veux préserver quoi? Rien. ويقتص بالمسلم وليس بذلك حق لغير المسلم حتى يحترم. Alors ici, c'est spécifique aux musulmans et il n'y a pas de droit pour autre que le musulman afin que nous respections cela. وما قولنا بأنه ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة يحرم على الآخر أن يطلبها. Quant au fait que nous avons dit ici que ce n'est pas le simple fait que l'homme demande la femme en mariage, directement il est interdit à l'autre de la demander. Alors quelle est la preuve de cela? فَقُلْنَا هَذَا جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثَيْنِ. Nous avons dit cela rassemblant deux hadiths. Écoutez bien le style là, l'argumentation. C'est important. الْحَدِيثُ الْأَوَّلِ. Le premier hadith, وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِهَا أَوْ يَدْرُكَ. Hadithun, وَعْدِ فِي النَّهِ. Il ne doit pas demander un mariage sur la demande de son frère, jusqu'à ce que son frère marie cette dernière ou bien la délaisse. Ok? Voilà ce hadith. Comme nous l'avons vu, ce hadith est mutafakun alayh. Ok? Le deuxième hadith, Anna Fatima bint Qais, Fatima bint Qais, ba'dama talaqaha zawjuha, après que son époux l'a divorcé, qala laha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, إِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِ. Il dit, si tu es pur, ça va? Après, les mensuits, si tu es libre, informe-moi de ta situation. فَجَاءَتْ. Elle est venue. وَأَخْبَرَتْهُ. Elle a informé أن معاوية كمعاوية وأبا جهم يا أبو جهم خطاباها l'ont demandé en mariage. Deux personnes. Hein? C'est qu'il y a un avant un. N'est-ce pas? Mais là, on ne se limite pas seulement à ça. فبعد أن أعلمته. Après qu'elle a informé le prophète صلى الله عليه وسلم أن معاوية كمعاوية et أبا جهم l'ont demandé en mariage, قال لها صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, أما معاوية فسعلوك. Quant à معاوية, سعلوك. Ici, certains disent لا مال له. Il n'a pas d'argent. D'autres disent qu'il ne dépense pas. À la cour de Had. Mouawiyah ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un peu de jar. C'est Mouawiyah. Hein? Wa amma Abu Jaham. Quant à Abu Jaham, hein? Fala yada al-afa an-atiqihi. Il ne dépose pas son bâton de son cou. Yani, yoksiru min dorbin nisa. C'est-à-dire, il frappe beaucoup les femmes. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a invalidé les deux. Hein? Et il a dit, Inkihi Usama ibn Zayd. Marie Usama ibn Zayd. Tayyib, déjà, Muawiyah et puis Abu Jaham ont demandé Fatima bint Qais en mariage, n'est-ce pas? Et les deux, il y a forcément un qui est venu avant l'autre. Et lorsque elle est venue au professeur, est-ce qu'il a dit qui a demandé en premier? Afin qu'on valide pour lui et on invalide pour le Ou le second, ou le deuxième. Là. Il les a tous invalidés à cause de ce qu'ils ont en eux. Et puis il lui a montré Oussama. Fahasal al-Khidba, min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et est parvenu la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Oussama ibn Zayd, ou Oussama ibn Zayd. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé pour Oussama ibn Zayd. Fayyim, fajam'una bayn al-hadithay. Alors, fajam'ana, nous avons rassemblé entre les deux hadiths. Bien qu'ulna, par le fait que nous disons, inna nahya anil khitba, à la khitba del muslim, l'interdiction de demander sur la demande de son frère, innama yakunu fi hali, anna al mar'ata khutibat lil awwal, wa rakanat ilay wa qabilat bi. C'est-à-dire, cela arrive que lorsque la femme, si elle est demandée en mariage par le premier, elle s'est penchée vers lui, elle a accepté. Amma ila khutibat. Mais quand au fait, si elle a été demandée, mujarrad talab, simple demande, biduni antarkana ila rajul, sans se pencher vers l'homme, alladhi talabaha, qui l'a demandé, wa taqbal bihi, et l'a accepté, alors fayajuzu lil akhar an yaqtubaha. Il est permis pour l'autre de la demander en mariage. Ça va? Fahim, donc? C'est bien compris? Quels sont les deux hadiths? Le hadith de Abu Huraira, n'est-ce pas? Ensuite, le hadith de Fatima bint Qais. Ça va? Fahim. Donc, si on rassemble les deux, le premier hadith interdit de faire la khitba, c'est la khitba de son frère. Le deuxième hadith montre qu'il y a eu deux khitbas. Et le professeur Azzallam a invalidé, c'est-à-dire, a plutôt conseillé cette dernière de choisir un autre. Ça va? Donc ici, ça montre que si la femme n'a pas accepté ni ne s'est penché vers cette personne, alors c'est interdit, c'est permis à Fouane de la demander en mariage. Ok? Non. قال النووي رحمه الله. L'imam Nawawi dit, هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخي. Ces hadiths sont apparents dans l'interdiction de demander en mariage sur la demande de son frère. وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ الْإِجَابَةِ. Et les savants sont unanimes sur l'interdiction si on a dit clairement à celui qui demande en mariage l'acceptation. وَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَتْرُكْ. Et il n'a pas autorisé, il n'a pas délaissé. فَلَوْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَتِهِ. Alors s'il demande, sur la demande de son frère, وَتَزَوَّجَ وَالْحَالَةُ هَذِي. Et se marie, et c'est la situation ainsi, أَصَى. On dira qu'il a seulement désobéi. وَصَحَ النِّكَاءَ وَلَمْ يُصَّقَ. Et le mariage est correct et on ne va pas annuler ce mariage. Par exemple, ici, l'interdiction, oui, non, il est là. Mais si il arrive que la personne, il sait que son frère a demandé telle femme en mariage. Ça va? Il y a d'autres masalan, ils vont incriminer l'autre devant la femme. Ça va? Il joue la politique. Hein? Est-ce que tu le connais? Lui là, il n'est pas bien. Il a un mauvais comportement. Il savait ça? Il a dit non, je ne sais pas. Il a déjà marié une femme. Il a chicoté la femme là jusqu'à. Et la femme même a fui. Ses parents même sont venus la chercher. Il dit deux parents là maintenant. Elle a fui. Ses parents sont venus la chercher. Hein? Parce que lui veut. Et il commence à montrer de beaux visages. Et elle dit, non, tu sais, je m'inquiète pour toi. Toi, t'es qui? Et puis elle est qui? Toi, tu t'inquiètes pour elle. Hein? Je m'inquiète pour toi. Je pense vraiment à ton avenir dans un mariage. Et jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Adamant est douce. Ce n'est pas permis. Parce que non seulement tu as fait ce qui est interdit, et de deux, tu as porté atteinte à l'honneur d'un musulman. Et même aller mentir, même si c'est musulman. Ça va? Et il y a d'autres qui font cela, Allahul Musta'an. Hein? Non. Dans le cas où il dit cela et que c'est la vérité, on lui a pas demandé. Ça va? On dit, parce qu'il y a d'autres qui peuvent envoyer d'aller lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du Muawiya, ainsi que du temps. Mais quel est ton objectif? Ton objectif, c'est quoi? C'est de l'incriminer pour pouvoir venir? Non. Ici, il faut qu'on comprenne. Le haq qu'on dit concernant une personne, si quelqu'un veut demander en mariage une sœur, par exemple, qui a des mauvais comportements, et que toi, tu sais, c'est lorsqu'on vient te poser la question. Lorsqu'on te pose la question, tu dis ce que tu sais. Voyez, deux savants disent que tu peux dire dans l'intention de préserver cette personne. Il n'y a pas d'interdiction, comme te disent certains savants. Mais ici, la Bouddha est sincère. Il faut que la personne te demande conseil. Parce que si la personne ne te demande pas conseil et que tu rentres dans cela, alors, ça y a sourou, wara azarika mafasi. Il y a beaucoup de dégâts qui vont arriver derrière cela. Si on vient vers toi, ou bien c'est ton frère direct, tu marches avec lui, tu peux lui donner des conseils. Tu peux lui dire, non, je connais cette dernière-là, ou bien je connais cette femme, vraiment, je sais que, hein, elle n'est pas bien. Ça va? Donc, c'est ainsi qu'il faut prendre en compte. Voyez? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait marier une femme. La femme, on l'appelle Jack Boer. Ça m'a l'air dangereux. On lui a dit cela, il dit non, il dit c'est Jack Boer. Il va être Jean-Claude Van Damme. Mais il ne sait pas. C'est que si, moi, c'est. Mais Jack Boer l'a dit, c'est la marraine. Et c'est comme ça. Souvent, l'amour ferme les yeux de certaines personnes. Et ils n'aiment pas les nasihat. Il faut écouter. Mais les gens qui sont véridiques, n'étends pas l'oreille à celui que tu ne connais pas. Alors, Awa Luché. Sanyan, n'étends pas l'oreille à celui que tu sais en lui le mensonge. Parce que malheureusement, il y a certaines personnes aujourd'hui, la jalousie les amène à gâter le mariage, à gâter pour les autres. Donc, il ne faut pas tendre l'oreille à n'importe qui. Soyez tant l'oreille aux gens dignes de confiance qui peuvent te dire clairement ce qu'il en est. Soyez. Nassalullah alayhi wa sallam. Oui. Il y a 12 ans. Si on accepte la demande de quelqu'un, on peut revenir en arrière. On peut dire, bon, on ne veut plus. Non, ça dépend, peut-être c'est la femme qui ne veut plus. Ou bien l'homme ne veut plus. Par exemple, si un frère va demander la même chose, que le frère a Ça, c'est dans la main du wali. Le wali décide de d'annuler ou bien décide de continuer. Voyez? Non. C'est dans la main du wali. Non. Mais dans ce cas, on est annulé. Non. Ici, il a eu à donner des trucs. Et il veut bien sûr. Bien sûr. S'il envoyait les sucres, les sacs de riz, hein, pour marquer des points, hein, cela nous préserve. Naam. Donc nous continuons avec la parole de l'imam Nawawi. Rahimahullah. Donc il dit, si il arrive que la personne a demandé sur la demande de son frère, qui avait déjà été accepté, et il est venu demander, et il a marié cette femme, alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on va dire? Ce mariage est correct, mais cette personne a désobéi à Allah. Et on ne va pas annuler le mariage pour cela. Donc l'imam Nawawi dit, « Hada mazhabuna » Ça, c'est notre voix. « Wa mazhabul jumhur » Et la voix de la majorité des savants. « Wa qala Daoud » Daoud lui dit, Yufsakh an-nikah, on annule le mariage. C'est pas toi, hein, Daoud. Wa an Malik, riwayatani. L'imam Malik, il a deux paroles. Kal madhabayn, comme deux madhab. Voyez? Wa qala jama'a min ashab Malik. Un ensemble de personnes parmi les gens de Malik disent, Yufsakh qabla dukhul la ba'd. On annule avant qu'il ne rentre sur la femme, mais pas après, s'il a déjà consommé. Pourquoi annuler? Ok? Amma idha urrida lahu bil ijaba wa lam yusarr. Alors, quant au fait que on lui fait signe de l'acceptation, mais on n'a pas dit clairement. وفي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي. Il y a dans l'interdiction de demander maintenant sur cette demande-là. Deux paroles de l'imam Shafi'i. Asafuha, ce qui est le plus correct, la yahrum. C'est pas interdit de demander. Voyez, وقال بعض المالكية, certains Malikiya, ils disent, لا يحرم حتى يرضو بالزوج وَيُسَمَّا الْمَهَرُ. Voyez, il n'est pas interdit de demander un mariage sur la demande de son frère jusqu'à ce que les parents de cette femme-là acceptent, c'est-à-dire agréent la demande et aussi maintenant vont dire la dot. C'est compris? S'ils ont accepté et dit la dot, là il est interdit pour toi de demander sur la demande de ton frère. واستدلوا لما ذكرناه من ان التحريم ايضا argumenté avec ce que nous avons mentionné que l'interdiction انما هو اذا حصل الاجابه. L'interdiction ne vient que lorsque l'acceptation est déjà venue. Bi hadith Fatima bint Qais, à cause du hadith de Fatima bint Qais, فانها قالت خطبني ابو جهم ومعاويه. Parce qu'elle dit, Abu Jaham et Muawiya m'ont demandé un mariage. Ok? Faram yunkir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khidbat ba'dhum ala ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déprécié ici la khidba de l'un sur l'autre. Parce qu'entre les deux, ils ne sont pas venus au même moment. Il y a un qui a été premier et l'autre est venu après. Fayyim? Bal khatabaha li Usama. Et au contraire, le prophète Rassam a demandé Fatima bint Qais pour Usama ibn Zayd. Wa qad yu'taradu ala hadha ad-dalil. On peut s'opposer si cette preuve. Fa yuqalu la'alla thani lam ya'mal bi khidmat al-awwal. Certains peuvent s'opposer, ils peuvent dire, mais peut-être le deuxième ne savait pas la khidba du premier. Tayyib, wa man nabi. Mais quand le prophète, il savait ou pas? Fashara bi Usama. Il a indiqué Usama. La anna, annahu khataba lahu. pas parce qu'il a demandé pour lui. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَ رَقْبَةً عَنْهَا. Alors ils sont unanimes que s'il a délaissé maintenant la demande, ne voulant plus cette femme, وَأَذِنَ فِيهَا, et a autorisé qu'on la demande, جَعَذَ الْخِطْبَ عَلَى خِطْبَتِهِ, alors c'est permis de demander sur sa demande. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ, فِي هَذِي الْأَحَادِيثِ, et cela est clair dans ces ahadiths. إِنْتَهَى كَلَامُ. Fin de citation de la parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Dans l'explication de ce hadith, dans Sahih Muslim. Alors ici, c'est clair ou pas? Non. Allah nous préserve. Donc ici, l'interdiction, c'est quoi? Lorsque il y a l'acceptation. Pas forcément. Ça, c'est la parole de qui? De Maliki. Non. Allah nous préserve. Voyez. Rasulullah alayhi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ici, maintenant, nous allons entrer dans la mas'ala de wa yustahabbu an-nazaru ila al-makhtouba. Alors, il est préférable de regarder celle que tu demandes en mariage. Alors ici, nous allons voir là où on doit voir. À la Sahih, ça y est, il est préférable de regarder. Bayana rahimahullah bi qawli. Alors, le tel livre, il a clarifié ici par sa parole, l'imam Shawkani, yastahibbu. Il dit c'est préférable. Ça va? Anna nazar ila al-maktouba mustahab. Il a montré que regarder celle qu'on demande en mariage est préférable. Le hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala zari. À cause de l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cela. Kama jaa fi khabari rajulu alladhi akhbara an-nabi. Comme c'est venu dans l'information de l'homme qui a informé le professeur Assalam, annahu tazawwaja imra'atan, qu'il a marié une femme, min al-ansar, une femme des ansar, ay talabaha lizawaj. Ici, ça veut dire qu'il a demandé en mariage, pas directement marié. Ok? Faqala lahu, et le professeur Assalam lui a dit, anadharta ilayha. L'as-tu regardé? Qala la. Il dit non. Qala fadhhab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit va. Fanbur ilayha. Et regarde-la. Fa inna fi a'yuni al-anfari shay'a. Car il y a quelque chose dans les yeux des ansar. Hadithu akhrajahu muslim. Tayyib. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Tayyib. Wa akhraja Abu Daoud an Jabir. Abu Daoud a rapporté d'après Jabir. Qala Rasulullah. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la khataba ahadukum al-mar'a. Si l'un d'entre vous demande une femme en mariage, fa idha istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nika'iha. S'il peut regarder ce qui va l'appeler, ce qui va l'inciter à la marier, qu'il le fasse. Allez, Allah mon âme. Ça y est. C'est-à-dire, s'il regarde ce qui va lui plaire chez cette femme. Voilà, yartalif min rajul ila rajul. Non. Donc ici, قال جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله dit فقطبت جارية. J'ai demandé une fille en mariage. فكنت أتخبأ لها. يعني أختفي. Je me cachais. حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى نكائها. Il dit jusqu'à ce que je verrai ce qui va m'inciter à la marier. Donc, Jabir, qu'est-ce qu'il faisait? Il a regardé sans qu'elle ne sache. Il va se cacher dans les petits coins. Et puis il la regarde. Hein? Ici, regardez la femme, elle peut être en gilet. Mais il y a des moments où elle ne le porte pas. Souvent qu'elle est à la maison. C'est à l'époque, les gens, les maisons n'étaient pas aussi fermées comme la nôtre aujourd'hui. C'était quelque part en plein air. Donc souvent, elle peut être là en train de sécher les habits. Elle peut être en train de faire des travaux. Il y a certaines parties de son corps qui va apparaître. Ça va? Donc, diable, il regardait tout ça. Hein? Et ça vient d'un voir qu'il y a un autre qui montait sur le cocotier. Hein? Et moi, sur le cocotier, et puis, c'est un observateur. Hein? Donc, ici, ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud. Et le hadith est le hadith de Jabir. Donc, nous allons voir quel est le jugement que nous tirons de ce hadith. Et puis, le premier hadith. Voyez, dans la hada, cela montre أن الرؤية المرأة كرجالة فممن أراد يخطبها جائز. Que voir la femme pour celui qui veut la demander en mariage est permis. سواء كان تعلم que la femme sache qu'on la regarde, hein, أنه سيراها أو لا تعلم ذلك. ولا فرق. Qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas. Ça va? Mais ici, à la hasabi maqam fi qalbi. Selon ce que tu as comme intention. Ayeb, ne cherche pas des arguments pour aller dans la falaise. Ok? Parce que d'autres vont dire non, moi j'ai l'intention de la marier. Ok. Quand il finit de la regarder, il a eu ce qu'il voulait. Là, certaines personnes peuvent utiliser ce hadith pour regarder les femmes n'importe comment. Mais je vous en prie, ce n'est pas permis. Comme je vous l'ai dit, à la hasabi ma qama fi qalbihi, selon ce qui est dans son cœur. Ok? طيب. واختلف العلماء, les savants se divergent. فيما يجوز له رؤيته منها على مذاهب. Bon, ici on va voir maintenant la divergence des savants dans ce qui est autorisé pour l'homme de voir. Ça va? De regarder chez la femme. Et ce sont divergés sur différents mazahib, différentes voies. فالبعض قال, certains disent الجائز من ذلك الوجه والكفان فقط. D'autres disent ce qui est permis de cela, c'est le visage et les deux mains seulement. Walbadu qal, certains disent, yara ma yadharu ghaliba. Il voit, regarde ce qui apparaît en général. Karruqba, comme le cou. Wasaqayni, les deux jambes. Washar, les cheveux. Wanahwi hadhihi al-ashya. Et autre que cela. C'est-à-dire ce qui apparaît. والبعض قال, et certains disent, النظر إليها كلها عورة وغير عورة. Il dit, la regarder complètement. Nudité ou pas nudité. Yandro il a كل شيء. Il regarde tout. Ça, c'est la parole de certains savants. Ça me rappelle les bounazes. Hein? وَاسْتَبْعَدَ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبُ الْأَخِيرُ. Alors certains savants ont éloigné, c'est-à-dire on dit cette parole, dernière parole. Hein? C'est comme si Dieu allait faire la khidba, mukabala avec une femme, je lui dis déshabite-toi. Tu en ouvres cette porte. Hein? Donc le cheikh dit Warrajih indi, ce qui est prépondérant chez moi, Atani, c'est le deuxième. Quel est le deuxième? Non? Ma yadhabu ghaliba, ce qui apparaît en général. Ça va? Non, ça peut être les deux mains, les deux jambes, ça va? Les cheveux, le cou. Quant à la forme, tu vois déjà la forme. Ça va? Donc, tu n'as pas besoin de. Hein? Oui, on ne voit pas souvent. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont minces, elle va porter gros habits comme ça. Hein? Quand tu la vois, tu te dis, elle est en forme. Il n'y a pas la vie. Ah bon? Il y a d'autres qui tapent autour ici. Ils ne voient pas bien. Hein? Ah, c'est une masala que tu veux ouvrir. On va se limiter à notre masala ici. Donc, wal awwalu ahwatu lid-din. Ça va? Mais le premier est plus prompt pour le din, c'est-à-dire est mieux. Le visage et puis les deux mains. Ça va? Allahu a'lam. Qala Ibn Qudama fil Mughni. Ibn Qudama il dit dans Mughni, لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. Il dit, on ne connaît pas de divergence qui autorise, hein, qui autorise la vision de voir la femme pour celui qui veut la marier. On ne connaît pas de divergence qui dit par exemple, c'est pas permis. Ça va? وقال ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة. Il ne la regarde pas avec désir et pulsion. ولا لريبة. Pas aussi à cause d'un doute. Non. Par exemple, tu doutes, je vais la marier ou bien je ne vais pas la marier. Parce qu'il y a d'autres comme ça, il dit, bon, je vais aller voir quand même. Hein? Si elle me plaît, là, il faut que tu sois sûr que tu as besoin d'une femme. Faut pas t'amuser avec enfant des gens. Ok? Il faut que tu sois sûr que tu as besoin d'une femme. Ok? Mais je vais aller essayer pour voir. Ma douce. OK. قال احمد في روايه صالح. Ça va? Mais ici c'est différent lorsque la femme vient avec l'homme. Et l'homme dit la condition d'abord je vais te voir d'abord. Ça va? Je vais te voir d'abord. Si ça me convient, je vais t'accepter. Je vais donner la preuve du ciel. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de la de l'épouser فنظر إليها من أعلىها الأسفل. Il a regardé cette femme du haut jusqu'en bas et il s'est détourné. Et il y a un compagnon qui dit Zawidni, marie-moi cette femme. Hein? Ouais, c'est un candidat. Qu'elle a pas de hein? Donc ici, il y a une preuve qui montre ici quoi? Que si la femme vient vers l'homme, vous voyez, Adaja, ça c'est permis. Surtout, j'encourage nos sœurs Ou pas avant matin. Aujourd'hui, là, les hommes, là, ils ne veulent pas. Il faut aller vers eux. Hein? Ah, comme les bannis. Les bannis. Hein? Oui. Ici, généralement, souvent, elle peut rester comme ça. Personne ne vient. C'est qu'on a un frère, elle a entendu parler d'un frère, elle connaît son comportement, elle peut lui envoyer une lettre. Hein? Pas directement sur WhatsApp, pas le draguer. Non. Ça, ça montre ton manque de pudeur. Ça va? Non. Oui? Mais, tu écris un message, ça va? Et puis maintenant, dans le message, tu dis vraiment, j'aimerais que tu aies vu en toi du bien, de la piété, ceci, cela, et j'aimerais vraiment que tu m'épouses. Il n'y a pas de honte à cela. Ça va? Notre mère Khadija, elle a fait cela avec le professeur Assalam, parce qu'elle a vu en lui vraiment la piété, la vertu, l'honnêteté et tout ça. Pas de jaïs. Voyez, mais souvent, la sœur va rester comme ça, elle en voile, elle est là, il n'y a personne. Ses parents aussi, c'est eux qui doivent vraiment prendre, si eux avaient compris, c'est eux qui doivent la proposer à des gens. Mais il n'y a pas ça. Eux-mêmes, ils veulent qu'elle enlève voile là. Ça va? Et puis, ce n'est pas eux qui vont venir la proposer à quelqu'un. Ou bien, voyez, maintenant, comment elle fait? Hein? C'est difficile. C'est pas aussi comme on voit sur les réseaux sociaux, les gens le font, les sœurs le font, elles écrivent leurs caractéristiques. Je suis tant, je cherche un homme, tant. Généralement, tu ne croises pas de bonnes personnes. Généralement. Ça va, j'ai pas dit, tu ne vas jamais croiser de bonnes personnes. J'ai dit, généralement, tu ne croises pas de bonnes personnes. T'as compris? Non. Quelle est la meilleure manière de faire? Si tu n'as pas un bon wali qui peut gérer, tu peux te confier par exemple à quelqu'un qui craint Allah, lui demander de trouver un homme pour toi. Un homme qui craint Allah. Un homme qui a le dîn. Ça va? Je lui demande de faire cela. Ou bien si toi-même tu as ciblé, tu peux vraiment tenter d'aller vers lui à travers un message ou bien envoyer quelqu'un aller lui parler. Voyez? C'est juste une parenthèse que j'ouvre pour permettre à nos soeurs de ne pas rester recroquevillées sur elles-mêmes. Dire que j'attends que la personne y vienne. Souvent, il ne vient pas vite. Souvent aussi, tu peux prendre du temps avant que cette personne ne vienne. Alors que la charia t'a montré des voies pour pouvoir avoir une bonne personne. Te confier à quelqu'un de confiance qui va chercher quelqu'un pour toi, quelqu'un de bien. Dans tous les cas, cette personne, quand elle va venir, toi, tu vas le voir. Ça dépend de toi. Si tu veux accepter ou bien si tu ne veux pas accepter, personne ne va t'obliger à l'accepter. Ok? Mais il ne faudrait pas que... C'est une voie que je montre pour qu'on puisse... Que nos sœurs puissent vraiment utiliser cette voie-là aussi pour pouvoir gagner de bons hommes. Mais éviter tout ce qui est réseaux sociaux. Non, parce que ceux qui sont cachés derrière ces avatars, vous ne les connaissez pas en réalité. Allah nous préserve. Alors ici, il dit, « قال أحمد في رواية الصالح » Ahmad dit dans la riwaya de Saleh, « ينظر إلى الوجه » Il regarde le visage, voilà il court nous entourer que là-dedans, mais il ne fait pas cela par la voie du plaisir, ça va? Voilà où un yuradid un nazar ilayha, et aussi il est permis de répéter le regard. Voilà ta'ammal mahasinaha et médite si c'est vertu. Yann al maqsoud la yahsul illa bidali. Car l'objectif on n'atteint que par cela. Tu vois, certaines personnes, lorsqu'il veut aller regarder la femme, lui, il a honte. Il baisse le regard. Ah oui, tu es là-bas pourquoi? Hein? Ne baisse pas le regard. Là-bas, c'est le regard permis. Tu la braques des yeux. Hein? Bien même, tu regardes du haut jusqu'en bas. Tu as compris? Donc là-bas, c'est pas un endroit où on doit avoir honte. Hein? Tu regardes pas, après tu baisses le regard. Après, maintenant, quand tu la demandes en mariage, tu dis, ah! Donc, tu avais ça là, j'ai pas vu. Hein? En 360 degrés. Si tu veux, tu fais même en plus de 360 degrés. Si c'est possible. Hein? Pourquoi la Faslun? Il dit Faslun, on va terminer avec ça et puis on va s'arrêter. Voilà, il a fait baïna ahli l'aïl. Fi ibahatin nazar ila wajhiha. Il n'y a pas de divergence entre les savants dans l'autorisation de regarder son visage. Car son visage n'est pas une unité. Et c'est l'endroit où tous les vertus se rassemblent. Hein? La beauté d'une femme de drôle. Son visage. Après les autres caractéristiques, là, c'est des détails. Hein? Donc, et c'est l'endroit où on doit regarder. Voilà, il va vous la nazar ila mala yazaru ada. Il ne lui a pas permis de regarder si ce qui n'apparaît pas ada en général, comme de manière habituelle. Par exemple, tous ces deux frères, quand il va faire la mokabala, il dit à la femme, soulève. Oui, c'est un bon cela. Soulève, je vais bien voir en bas. Voilà, la partie là. Voyez, voilà qui a un élauzaï, non? La partie là, quand il va voir la femme comme ça, les parents doivent être à côté, moi, ils le mieux sur moi qui est comme ça. Les parents? Oui. Non, forcément, il y a un wali, il ne peut pas rester seul avec elle. Forcément, il y a quelqu'un. Il est soulevé là. Non. Donc généralement quand on les met, celui qui est le wali, généralement il se met à côté d'une pièce et puis il les laisse les deux. Ça va? Mais il ne faudrait pas que la maison soit fermée. Sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là-bas. Hein? Wa hukiya anil auza'i annahu yanduru ila mawadi'il laham. C'est aussi rapporté de l'imam Auza'i qu'il regarde les endroits où il y a les chairs. Wan Daoud, annahu yanduru ila jami'iha. Daoud lui dit, on peut regarder tout. Le zahir qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ce qui est apparent, de la parole du professeur Azam qui dit, onzur ilayha, regarde-la. Wa qala fa amma ma yadhar ghaliban. Quant à ce qui apparaît de manière générale, si wal waj, en dehors du visage, kal kafaini wal qadamaini, comme les deux paumes ainsi que les deux pieds, wa nahu dhalik, mimma tadharu, tuzhiru al mar'a fi manziliha. De ce que la femme fait paraître dans sa maison, fa fihi riwayatan. Il y a deux riwayats. Ihdahuma, l'un d'entre eux, la yubahu nazar ilay. Il n'est pas permis de regarder ces endroits. En dehors du visage. Et puis des deux mains, il n'est pas permis de regarder d'autres endroits. Ça va? Yannahu aura. Car c'est une aura. Falam yubih nazar ilay. Et ce n'est pas autorisé de regarder. Kalladi la yadha. Comme ce qui n'apparaît pas. Fa inna abdullahi rawa anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Ka Abdullah, il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'atu awra. La femme tout entière est nudité. Hadith Hassan, c'est un hadith qui est bon. Lianna al-hajata tandafi'u bin-nadhar ila al-wajh. Car, de manière générale, habituellement, ça appelle ici la ada, la coutume appelle à ce que on regarde seulement que le visage. Ça va? Donc, ce qui va rester en dehors du visage reste dans l'interdiction. Ça va? Ça, c'est la première parole. Il peut regarder. قال أحمد في رواية حنبل لا بأس أن ينظر إليها إن يبقى البروبلم سكيلا رجال وإلى ما يدعو إلى نكائها et regarder ce qu'il appelle à regarder et à marier cette femme, ce qui va l'inciter à la marier. Min yadin, comme sa main, ou jismin, son corps, wa nahu dhalik, autre que cela. Qala Abu Bakr, la ba'sa an yandura ilayha. Abu Bakr, il dit, il n'y a pas de problème à ce qu'il la regarde, indal khitbati hasira. Hasira, mamana hasira, makshufa. Découverte. Il n'y a pas de problème à ce qu'il la regarde. Ainsi, Hasira Bemana découverte. Et ça peut rentrer dans le sens de nu. Il peut la regarder. Comme quoi la Abu Bakruna. Wa qala Shafi'i. Et on a vu que cette parole est quoi? Cette parole. Hein? Non. Cette parole est, n'est pas une parole qui est correcte. وقال الشافعي ينظر الى الوجه والكفين لمن شافعي دي ركاب le visage et les deux mains ووجهه جواز النظر الى ما يظهر غالبا ووجهه et son visage et la permission de regarder ce qui apparaît en général ان النبي صلى الله عليه وسلم et l'argumentation de cela que le prophète صلى الله عليه وسلم ما اذن في النظر اليها من غير علمها. Lorsqu'il a autorisé de la regarder sans qu'elle ne sache, comme vous avez dans le hadith de Jabir, ulima annahu azina bin nazar ila jami'i ma yadhhar 'alayhi. Il a autorisé de regarder tout ce qui apparaît en général du corps de la femme. Tayyib. Il la yumkin ifrad al-wajib an-nazar ma musharakati ghayri lahu fi dhuhur. Il dit parce qu'il n'est pas possible de restreindre seulement le visage, alors que les autres parties s'associent dans le regard lorsque la personne se cache pour la regarder. N'est-ce pas? وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا. Et ça apparaît en général. فَوْبِهَا النَّظَرُ إِلَيْهِ كَالْوَجْهِ. Donc, c'est permis de regarder comme le visage. وَلِأَنَّهَا مَرْأَةٌ وَبِهَا لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ. Et aussi la femme, on lui autorise de regarder cette femme à l'ordre de la sharia. Donc, فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ. Ça va? Donc, il est autorisé de regarder النَّظَرُ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ, de regarder ce côté. Ça va? كَزَوَاتِ الْمَحَارِمِ, tel que ceux qui sont les maharim de la femme. Il voit le visage, il y a sa main aussi qui apparaît souvent, il le voit. Entendez-vous? Ceux qui sont les maharim. Voyez? Mais la nudité de la femme, ça c'est maïdous. Ça va? Mais la femme, c'est maharim à la maison, peut voir son visage, peut voir aussi la paume ou bien ses pieds. C'est maharim. Il y a 12 hadiths. Voyez? Alors, on va s'arrêter ici, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, et demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer dans la nikah illa biwali. وشاهدين. Il n'y a pas de mariage que par un wali, et s'il y a un wali et deux témoins. Ça y est. Alors, s'il y a des questions autour de ce qu'on a vu, allez-y, avant qu'on ne coupe. Barakallahu fikum. Non.